Enfants de tout pays, bonjour! Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Xavier à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter Patchwork numéro 44, à l'écoute des musiques du monde, une émission enregistrée à la maison, contrainte de déconfinement oblige. Et la programmation d'aujourd'hui vous propose un voyage à Toulouse, trois coups de chapeau à Claude Nougaro, des chanteurs toulousains bien sûr, et une promenade autour de Toulouse putain de con, et le tout étoilé de Zouk. Zouk, avons-nous dit, on n'a pas dit que ça, mais on a dit Zouk. Karen est une auteure, compositrice, interprète, choriste, rappeuse, elle chante aussi le Zouk. Elle est née en Guyane. D'ailleurs, elle a remporté en 2012 le prix de l'artiste interprète de l'année et un trophée d'honneur pour l'ensemble de sa carrière lors de la cérémonie des Lignes d'Or, 6e édition des trophées de la musique guyanaise. My Sexy Wana, Karine et le DJ Eladji. Je crois que j'ai laissé mon cœur en boîte, car je pense à toi de plus en plus souvent. Depuis toi, je ne suis plus moi. Toulouse, capitale de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, est traversée par la Garonne, et la ville est située pas très loin de la frontière espagnole. Elle est surnommée la ville rose, en raison des briques en terre cuite qui composent la plupart de ses bâtiments. Datant du XVIIe siècle, le canal du Midi relie la Garonne à Sète, c'est-à-dire à la mer Méditerranée. Toulouse, quatrième ville de France, avec ses 480 000 habitants, il faut savoir que la ville a gagné plus de 100 000 habitants au cours des 47 dernières années. Le développement de la culture de la violette au XIXe siècle en fait un emblème de la ville et lui vaut aussi le surnom de la cité des violettes. Toulouse, c'est la capitale européenne de l'industrie aéronautique et spatiale avec les sites d'Airbus. Toulouse compte plus de 100 000 étudiants et selon l'Express, elle a été couronnée la ville la plus dynamique en 2019. Le sport emblématique, c'est le rugby. Et son club, le Stade Toulousain, détient sur le plan national le plus riche palmarès avec 20 titres de champion de France et 4 titres de champion d'Europe. La réputation des Toulousains, on dit qu'ils sont accueillants, ils sont disponibles, ils sont ouverts d'esprit et il est aisé d'engager une conversation avec eux, putain con. En revanche, on leur reproche de ne pas parler anglais. Ils ne sont pas ponctuels. Et à Toulouse, il fait très chaud. Mais à cela, les Toulousains n'y peuvent rien. Ville de lumière, gold. Thank you. Quand on parle de chanteurs et de chansons à Toulouse, on ne peut pas faire l'impasse sur une personnalité dont l'œuvre et la voix sont classées Mémoire du monde de l'UNESCO depuis 2003. Carlos Gardel doit être présenté officiellement comme un chanteur argentin né en France. C'est la figure la plus importante du tango de la première partie du XXe siècle. Sa statue, œuvre de Sébastien Langlois à Toulouse, dans le quartier de Compans-Caffarelli, a été inaugurée le 30 juin 2018 et on ne manquera pas de lui rendre une petite visite, surtout si on est fumeur et qu'on souhaite arrêter la clope parce qu'il y a une tradition avec cette statue. Mano a mano, Carlos Gardel. Chiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Premier coup de chapeau à Claude Nougaro. Claude Nougaro, il est né en 1929 à Toulouse et il nous a quittés en 2004 à Paris. C'est un auteur, compositeur, interprète et poète français. Grand amateur de jazz, de musique latine et africaine, il joue sur la musicalité des mots. Il s'est appliqué tout au long de sa carrière, dans un insolite mariage des genres, à unir la chanson française, la poésie et le rythme. Une petite fille, Claude Nougaro. Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie, et moi qui cours après, et moi qui cours après au milieu de la nuit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Une petite idiote qui me joue la grande scène de la femme délaissée, et qui veut me faire croire qu'elle va se noyer. C'est de quel côté la scène? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qu'elle me reproche? Qu'est-ce qui lui a pris? Lorsque je l'ai trompée, elle l'a jamais appris. C'est pas elle qui s'approche. Tu m'aimes vraiment, dis-moi. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. C'est tout ce qu'elle sait dire. En pouvant, me rasant, quand je voudrais dormir, faut lui dire que je l'aime. Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie. Où est-elle, nom de Dieu? Elle a dû remonter par la rue de Rivoli. J'ai de la flotte plein les yeux. Parce qu'elle avait rêvé, je ne sais quel amour absolu éternel. Il faudrait ne penser, n'exister que pour elle, chaque nuit, chaque jour. Voilà ce qu'elle voudrait, seulement il y a la vie, seulement il y a le temps. Et le moment fatal où le vilain mari tue le prince charmant. L'amour, son bel amour, il ne vaut pas bien cher contre un calendrier. Le battement de son cœur, la douceur de sa chair, je les ai oubliés. Où donc est-elle partie? Voilà qu'il pleut des cordes, mon Dieu, regardez-moi. Me voilà comme un con, place de la Concorde. Ça y est, je la vois. Attends-moi, attends-moi, je t'aime. Je t'aime. Allez, nous allons jouer un petit jeu. De qui s'agit-il ? En 1993, elle gagne le Grand Prix de l'Académie Charles Cros avec l'album Irrésistible. En 1997, Victoire de la musique, Révélation féminine de l'année. 2002, Grand Prix de l'Académie Charles Cros pour l'album Le Festin de Juliette. 2006, Victoire de la musique, Meilleure artiste interprète féminine. 2011, Officier de l'Ordre des Arts et Lettres. 2013, Chevalier de la Légion d'honneur. 2018, Officier de l'Ordre du Mérite. Vous l'avez reconnu ? Vous l'avez ? Non. C'est Juliette. Chanson con, Juliette. Et 1, 2, 3, 4. Je suis née à la capitale, c'est pourquoi je parle pointu. Mais quand je vais au Capitole, à Jolimont, trois cocu, Toulouse appelle son accent, même le mien de fabrication. On finit ses phrases en chantant, et con, c'est la ponctuation. Ce n'est pas un gros mot, c'est un léger accroc. Point d'interrogation, point de suspension, de consonne, une voyelle, c'est un péché véniel, un peu oui, un peu non. Une promesse de Gascon, con. On dit que le verbe de Dieu a commencé toutes les choses. C'est un petit mot malicieux qui les termine ici en rose. Ne croyez pas qu'on vous insulte, ces petits cons sont sans complexe. Rien qu'un bon coup de pied au culte, rien qu'une syllabe, rien qu'un sexe. C'est un genre de mot doux qui s'accorde au bagou. Une proposition qui n'en dit pas plus long. Et quand j'étais jeune être homme et haut pour Juliette, j'aimais que les garçons l'envoient sous mon balcon, con. Constate un peu triste, qu'à part quelques vieux Toulousains, quelques Occitans qui persistent, plus de virgules à la fin. Et dans ma ville c'est perdu, noyé sous les coups de klaxon, le petit mot après boudu, même s'il reste encore des cons, et un paquet con. Un crime de ne pas chercher de rime pour faire une chanson, puisque tout rime en promesse de Gascon. Juliette à son balcon, qu'importe le flacon. Moi je veux jouer de l'hélicon. À voir à Toulouse, la basilique Saint-Sernin. Elle abrite les reliques de Saint-Saturnin, premier évêque de Toulouse, martyrisé en 250. Un important centre de pèlerinage, la basilique conserve 250 chapiteaux romains et représente le symbole de l'architecture romane méridionale. Ah, puis il y a le Capitole, ah, le Capitole. Monument qui abrite l'hôtel de ville et le théâtre du Capitole, c'est l'emblème de la ville. Le Capitole et ses danseuses. La Cité de l'espace, centre de culture scientifique, orienté vers l'espace et la conquête spatiale, près de 5 millions de visiteurs l'ont déjà visité en 20 ans d'existence. Le couvent des Jacobins, construit par l'ordre des frères prêcheurs, un ordre mendiant dont le premier couvent de la branche masculine fut fondé en 1215 par Dominique de Guzman, futur Saint Dominique, Dominique Nicnic. Ces bâtiments, entièrement faits de briques, sont considérés comme des joyaux de l'art gothique languedocien. L'église abrite depuis 1369 les reliques de saint Thomas d'Aquin. Et puis il y a le pont Neuf. Comme par hasard, le pont Neuf, c'est le plus vieux pont de la ville. Le jardin des plantes, le zoo African Safari, à 20 km de Toulouse, 600 animaux, de 80 espèces, éléphants, girafes, lions, tigres, oiseaux, rhinocéros, antilopes, zèbres, watusis, singes, crocodiles, otaries, etc., etc., etc. Et puis il y a le jardin japonais, avec ses multiples variétés d'Extrême-Orient, une chanson d'une Toulousaine, une fenêtre ouverte, Pauline Esther. Une fenêtre ouverte sur le corps. Deuxième coup de chapeau à Claude Nougaro. En 1988, il reçoit aux Victoires de la musique le prix de l'artiste interprète masculin de l'année et celui du meilleur album pour quelle chanson ? Pour Nouga York. Nouga York, Claude Nougaro. époque, j'aurais le gros cigare en or, les panchocs. Dès l'aérogare, j'ai senti le choc pour rentrer dardard dans la ligne de proc. Un nouveau départ, solide comme un roc, une pluie de dollars, ici, Nouga-York. Ici, superstar, je suis gonflé à bloc, c'est l'enfance de l'art, c'est le phalacoque. La star au détour d'un bloc et son filet car me découple l'âme façon jambon du rock. Léopold Nord, ça te dit quelque chose, Xavier? Un groupe belge? Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses? Ah, ça te dit plus. Léopold Nord, donc un groupe belge composé de trois frères mentionne. Vous souvenez, c'est l'amour, mour, mour. Et Jean-Pierre Madère, le chanteur de Macumba, se sont rencontrés dans une tournée des années 80. Et Léopold Nord et notre ami Jean-Pierre Madère, se sont vite trouvés des affinités. Des Bruxellois et un Toulousain, il n'en fallait pas plus pour chanter Bruxelles-Toulouse, Bruxelles-Toulouse, Léopold Nord et Madère. Mon aveur de qui cherche la bagarre, mais surtout cette fille qui a changé ta vie. Dans ma guitare et dans ma tête, suffit d'y croire, c'est tout bête. Dans ta guitare, oui c'est ça, escroc notoire que tais-toi, t'es qu'un bandit de la vie, et pour ça y'a pas de pays. Demain je prends le Bruxelles tout le langue de blues et ton accent à mes oreilles. mange à Toulouse? On mange, oui, il y a même des spécialités gastronomiques toulousaines. Alors d'abord le jambon, et notamment le jambon de porc noir de Bigorre. Et puis le foie gras d'oie, qui gagne à être connu. Le cassoulet toulousain, à lui, il inclut les viandes d'agneau et de mouton. La saucisse de Toulouse, à la poêle ou simplement grillée ou au barbecue. Le poulet à la toulousaine, le poulet farci avec de la chair à saucisse agrémentée d'olives et d'ail. Côté pâtisserie, la fenêtra, un gâteau composé d'amandes et de citron confit. Le pavé du Capitole, un petit cube de chocolat qui cache du praliné et des carrés d'orange. Ça doit être bon, ça. La croustade aux pommes, un gâteau feuilleté contenant des pruneaux et des pommes et qui se consomme généralement avec une boule de glace. Ah, et puis le cachou, la jaunie. On l'aime ou on le déteste, mais il ne laisse personne indifférent. Pensez, 10 millions de boîtes sont vendues chaque année. Et enfin, les violettes de Toulouse, violettes cristallisées, bonbons à la violette et chocolat à la violette. Macumba, Madère. Troisième coup de chapeau à Claude Nougaro. En 1999, il reçoit le grand prix du disque de l'Académie Charles Cros pour l'album L'Enfant Phare. Et extrait de cet album, L'Enfant Phare, Claude Nougaro. On n'a peut-être pas la tour Eiffel, mais la Garonne est plus belle. Un hymne à Toulouse, et surtout à l'accent languedocien. Toulouse, putain de con, les Aganites. Je vais vous parler. ça transpire la misette. Les quais de la Garonne sont envahis de mouettes. Sur la prairie des filtres, ça grille des côtelettes. On a peut-être pas la tour Eiffel, mais pour nous, la Garonne est plus belle. Passer Montauban, le Grand Nord et le Vent, nous on sort pas souvent de notre département. Au Stade de France seulement de temps en temps, histoire de gagner le bouclier qu'on aime tant. On n'a peut-être pas la tour Eiffel, mais pour nous la Garonne est plus belle. On n'a peut-être pas la tour Eiffel, mais pour nous la Garonne est plus belle. Tous nos pâtissiers ont des recettes divines, le pain au chocolat c'est une chocolatine. Chez nous le cassoulet c'est presque une religion. C'est vrai que ça fait péter mais c'est tellement bon. Ici y a pas que le soleil qui fait saigner du nez, surtout si on finit par croiser les bordelais. Nous nous contrariez pas, on est sous adrénaline. Le petit plomb chez nous, c'est de la chevrotine. Que ramener de Toulouse? Bon, bah d'abord des merveilleuses cartes postales, et puis des marque-pages. Bah, ça coûte pas cher, on pourra en ramener pour tous les copains. Des médailles à l'effigie de la ville, des dés à coudre et des porte-clés. Et puis la violette et ses variantes, on la retrouve aussi bien dans l'alimentation, dans la décoration, ou les produits d'hygiène, savon et parfum, violette cristallisée, et les petites boîtes de cachot à base de violette. Le pastel, c'est l'autre star. Essentiellement utilisé en cosmétique et en teinturerie, le bleu de pastel complète le panier des visiteurs. Puis les gâteaux, la brique du Capitole, bonbons à la pâte feuilletée, la fenêtra dont on a déjà parlé, et la caraque composée de violette et de crème aux amandes. Un chanteur toulousain, Jean-Jacques Lafont, le géant de papier. Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Tout me paraît réalisable, et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme lourd au cœur d'acier, devant son corps de femme, cette planète où un

Nous vous laissons en compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Au revoir, à dimanche prochain, 10h.